No one knew what it's like to be the bad man, be the sad man. Behind blue eyes, no one knew what it's like to be hated, to be fated. Telling only lies. How many round must a man fall down before you call him a man? Yes, how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times sorry telephone? Oui, j'étais sur Ninjam. Oui. Attends, mais je vais. Oui, je crois que j'ai. Oui, le four est éteint. Je vais voir où il en est, puis je regarde ça. Donc, autrement, qu'est-ce que tu veux comme pizza? Une piquante, ok, d'accord. Bon, moi je te fais un truc comme ça, je regarde si le four est encore chaud et puis. Ok, allez, bisous à toutes. I'm sorry because my wife wants to eat. I go silent, Rolo. And see you tomorrow or another day.